pour pouvoir rester plus près des gens, pour pouvoir agir aussi. Donc, son corps physique ne se décomposera pas pendant une très, très longue période de temps. Ce corps physique va servir de transmetteur entre les gens qui habitent le monde physique et lui qui est passé sur les autres plans, mais cette énergie qui reste là, évidemment, pour la capter, il va y avoir ce transmetteur sur Terre. Si vous voulez parler avec les occultistes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Lorsqu'ils voulaient parler avec un maître, ils allaient chercher son crâne. D'où le film là, qu'on recherche le crâne de Nostradamus. Alors, on va rechercher la matière qui correspond à cet individu. Bon, l'Église est fondée sur cette règle-là, c'est-à-dire que dans l'autel de toutes les églises qui suivent le droit canonique, il y a des reliques des saints, il y a des ossements. Au départ, d'ailleurs, les chrétiens se réunissaient sur des tombeaux. Bon, parce que les ossements sont là, ces ossements-là mettent en contact avec les saints. Alors, c'est très important dans une église des reliques. Hein? On a vu toute l'histoire on connaît des histoires, surtout au Québec, avec les reliques. Pourquoi? Parce que les reliques sont des transmetteurs entre les hommes de la terre et cette énergie qui est accumulée dans le ciel. Et par le biais de la relique, on peut se brancher sur cette énergie, recevoir cette énergie et résister à certaines tentations et guérir les malades et enseigner les nations et exorciser et etc. Donc, on peut manifester avec ça. C'est ce que la religion appelle la satisfaction vicaire. Donc, c'est pour ça que le corps ne se décompose pas. Alors, il y a les saints dont le corps ne se décompose pas. Pour arriver à cela, qu'est-ce qu'il faut? C'est la vie d'ascèse. Bon, il faudrait aller aussi très loin là-dedans, mais la vie d'ascèse, qu'est-ce qu'elle permet? On s'est rendu compte que l'émotion, lorsqu'on a des émotions, ça crée un changement au niveau des hormones à l'intérieur. Vous avez une grande émotion, vous allez avoir une décharge d'adrénaline, vous allez poser des gestes particuliers. Alors, on s'est rendu compte qu'une émotion extérieure changeait la composition chimique de l'individu. Eh bien, de la même manière, un état d'esprit peut changer aussi la composition chimique de l'individu. Alors, tout comme l'état d'esprit de colère ou de force pourrait être, ou l'état de fête pourrait être apporté par un changement hormonal chimique à l'intérieur de l'homme, l'état d'esprit du saint va changer ses hormones intérieures. L'état d'esprit du saint, qui est dans un état de béatitude, etc., va changer sa chimie intérieure, et on s'est rendu compte, par des analyses, que les corps des saints ne se décomposeront pas du fait qu'il y a dans les hormones de ces êtres-là, de par le fait qu'ils ont vécu une ascèse, il y a dans les hormones de ces êtres-là, donc, une énergie particulière, une chimie particulière, qui fait que le corps, pendant de très longues périodes de temps, ne se décomposera pas. Alors, le corps des saints, parfois ne se décompose pas. D'ailleurs, c'est même un critère, parfois pour la béatification. Et aussi le corps des vampires. Parce que les vampires sont des ascètes aussi. Ce sont des saints, mais dans la voie du mal. Ce sont des êtres qui ont beaucoup vécu l'ascèse de leur propre être. Alors eux aussi, ils ont développé à l'intérieur d'eux les hormones, les huiles qui fait que leur corps se développe. Que se conserve plutôt. Et c'est ce corps, c'est pourquoi on les retrouve tout juteux, hein, avec le sang qui leur coule à la bouche lorsqu'on ouvre les tombeaux des vampires, et ils sont véritablement, disons, des morts vivants, parce que le corps éthérique est maintenu au niveau du corps physique, et il y a véritablement, même qu'il y a la plupart du temps, les morts vivants, justement, c'est que durant la nuit, ils partent avec leur corps éthérique, ils vont vampiriser quelqu'un, ils tirent la vitalité de cette personne par le sang, parce que c'est là que la vitalité se manifeste, ils vont vampiriser leur corps éthérique, ils reviennent dans la tombe le matin avant que le soleil se lève, et puis là, ils sont tout en forme. Alors, c'est la même chose qui se produit. Je vous prends l'image du vampire pour que vous ayez une image en tête. C'est la même chose qui se produit au niveau du sein. Mais il le fait, lui, dans la dimension du bien. Donc, c'est un relais entre les puissances du bien qu'il a accumulé durant le temps de son existence, c'est-à-dire l'égrégore qu'il a formé, et les hommes terrestre, comme le vampire est un relais entre l'égrégore du mal et les hommes terrestres aussi. Une question qui concerne les 72 anges dont vous avez fait mention tout à l'heure. Pourquoi ou y a-t-il une signification occulte à ce nombre 72? Bon, ces 72 anges, ça fait partie de la tradition de la Kabbale. Dans la Kabbale, on sait que, dans la tradition kabbalistique, que la Bible, c'est pas quelque chose qui a pour première raison d'être de nous expliquer des affaires. C'est pas ça la première raison de la Bible. La première raison de la Bible, c'est de nous donner des mots de pouvoir, des condensateurs d'énergie. Ça, j'en ai déjà parlé dans une conférence ici sur la guérison, justement. Il y a dans le phénomène de la Bible des phrases qui sont des mots de pouvoir, qui nous permettent de mettre en action des choses. Or, il y a dans le livre de l'Exode, trois versets de cet Exode d'où on dit que les anges du Seigneur précèdent l'homme pour l'amener jusqu'à Dieu. Alors, ces trois versets ont été pris par les kabbalistes et ils ont servi pour construire les 72 anges de la Kabbale. C'est-à-dire qu'on a pris ces trois versets de 72 lettres chacun. Et on a pris une lettre de chacun des versets, enfin, la première, la dernière, la première, et on a formé comme ça 72 noms. Et ce sont ces noms qui sont les noms de ces 72 anges. Bon, il y aurait des raisons beaucoup plus détaillées qu'on pourrait donner parce que, bon, là, il faudrait donner évidemment un cours de Kabbale, c'est-à-dire comment ces 72 anges-là sont organisés à travers 9 cœurs angéliques et qui correspondent, bon, aux différentes séphirotes ou séphirats de l'arbre de la Kabbale et comment il y a tout un rapport là-dedans. Mais simplement, qu'on peut dire au point de départ qu'il y en a 72. Bon, il y aurait des raisons géométriques qu'on pourrait donner, mais véritablement, il faudrait aller en mathématiques et en kabbale. Mais je peux vous donner pourquoi il y en a 72. C'est lié, bon, au fait que les trois versets étaient formés de 72 lettres. Maintenant, vous allez me dire, c'est pas une raison. Il y a une raison pourquoi il y a ces 72 lettres. Bon, c'est ça qu'il faudrait analyser dans la kabbale. Et il y en a 72 qui correspondent aux 72 formes que l'énergie prend pour se manifester dans le monde. Ça, c'est une raison quand même. Vous allez me dire, c'est pas suffisant peut-être, mais c'est déjà une raison, c'est déjà un point de départ, c'est-à-dire que la divinité, lorsqu'elle se manifeste dans le monde, bon, elle a une manière de se manifester, c'est à travers 72 états d'énergie. Le fait que l'énergie elle-même soit constituée de cette façon-là, que le monde soit constitué comme il est constitué maintenant, fait que lorsque Dieu se manifeste, c'est à travers 72 visages, c'est-à-dire à travers 72 états d'énergie. Et c'est ça les anges de la Kabbale. C'est pourquoi il y en a 72. C'est lié à la constitution vibratoire du monde. Et à travers, si vous voulez analyser ça plus en détail, on pourra un jour parler de Kabbale, mais vous pouvez déjà là, vous référer à des livres de Kabbale où on va vous expliquer la raison de la constitution de l'univers d'un point de vue kabbalistique, et vous allez comprendre pourquoi géométriquement, il était impossible que la divinité se manifeste autrement qu'à travers 72 visages, c'est-à-dire à travers 72 messagers à Gélos, ange. Parfait. Vous dites qu'il faut en venir à se détacher de notre corps et qu'il y aura dans l'avenir un danger de ne plus vouloir mourir. Que penser alors du comte de Saint-Germain qui ne meurt jamais? Bon, le comte de Saint-Germain, c'est un autre phénomène. C'est-à-dire, le comte de Saint-Germain ne meurt jamais, mais le comte de Saint-Germain ne vit jamais non plus. C'est-à-dire que le comte de Saint-Germain s'incarne à des moments précis où il a besoin de s'incarner pour des raisons pratiques. Il s'incarne dans le monde. Lorsqu'il s'incarne dans le monde, il perd une partie de ses pouvoirs. Parce que lorsque vous êtes une entité très évoluée, vous êtes sur les plans de haute dimension, vous avez une conscience infinie. Vous avez une conscience qui n'est pas limitée par la chair. Mais lorsque vous êtes cette haute entité et que vous prenez un corps matériel, que vous acceptez de paraître humblement sous le visage d'un animal, eh bien, à ce moment-là, justement, vous incarnez un corps et vous êtes limité par votre cerveau. Votre cerveau, il a des limites neurologiques qui fait que le comte de Saint-Germain, lorsqu'il est dans un corps physique, il a aussi des limites très particulières. Que le comte de Saint-Germain ne meurt pas, c'est vrai, dans le sens que j'ai expliqué tout à l'heure, où il peut changer de corps comme il veut. Parce que pour lui, il n'y a plus l'état de mort, c'est-à-dire que pour lui, il n'y a plus de transition. Il n'y a plus ce passage dans toutes les phases de l'après-mort, c'est-à-dire ce que les occultistes ont appelé le purgatoire, le premier ciel, le deuxième ciel, le troisième ciel, qui sont en fait le bas astral, le haut astral, le mental inférieur, le mental supérieur. Ben, c'est toutes ces dimensions-là du passage après la mort, ça, ce n'est plus vécu. Pourquoi? Parce que le comte de Saint-Germain, les grands initiés, n'ont plus à suivre la voie de l'humanité. Ils ont terminé leur évolution, ils sont des ressuscités. Et ils demeureront toujours des ressuscités, c'est-à-dire des gens qui s'incarneront, s'ils le veulent, pour des raisons pratiques, mais ensuite, ils quittent. Autrement dit, c'est ce que, ésotériquement, certains appellent des maîtres descendants, parce que ils n'ont plus besoin de vivre l'ascension de l'initiation humaine. Ils ne font que descendre sur les plans lorsque le besoin se fait sentir, et ensuite, ils quittent. Donc, et puis pour la question de dédoublement, évidemment, comme la conférence de la semaine prochaine, va porter directement sur justement la question du dédoublement, là, on pourra peut-être élaborer davantage cet aspect-là de la question. De quelle façon peut-on se préparer utilement pendant le carême? Bon. Pendant le carême, ce qu'il faut mettre en pratique, c'est d'en arriver à pouvoir justement vivre une résistance à la tentation. Lorsque dans l'ancienne, enfin, je devrais pas dire ça, mais lorsque dans l'ancienne façon de faire les choses, il y avait, bon, ces règles de l'Église, où il y avait durant le carême de ne pas manger de chocolat, de ne pas manger ci, de ne pas manger ça. On a dit plus tard, ah, oh, ça a pas de bon sens, pas manger de chocolat, comment ça peut être un acte spirituel, dans le fond. C'était un acte spirituel. C'est-à-dire que, bon, évidemment, on peut avoir besoin de chocolat pour se dynamiser, etc. C'est pas l'idée du chocolat ou pas du chocolat. C'est l'idée d'avoir envie de quelque chose et de résister à cela. Autrement dit, c'est l'idée du jeûne. C'est l'idée de se retrouver dans un désert, de jeûner au monde, c'est-à-dire de se priver de certains aspects du monde duquel on est dépendant. Si on n'est pas dépendant du chocolat, qu'on n'aime pas ça du chocolat, ben c'est pas le jeûne au chocolat qu'on doit faire durant le carême, parce qu'on n'aura aucun mérite à résister au fait de pas manger de chocolat, on va être très content, tout au contraire. Mais si pour nous, manger du chocolat, ça en est presque une dépendance, qu'on en a besoin, bien, se résister à un aspect matériel, ça va dynamiser intérieurement l'être et ça va permettre justement de faire un travail. Donc, dans la période du carême, ce que la religion appelait les sacrifices, c'est quelque chose de très bon. Et c'est par le sacrifice, justement, qu'on peut arriver à quelque chose. Et si un jour vous faites des études un peu plus avancées en magie, vous allez vous rendre compte que, avant tout acte magique, l'homme doit faire un sacrifice. C'est-à-dire que l'homme doit se priver de quelque chose. Et en se privant sur le plan matériel, il amasse des trésors dans le ciel. Et plus il va le faire, plus cette énergie-là va grandir sur les plans subtils, et alors là, il sera un magicien qui pourra agir, parce qu'il pourra commander, et en se servant de cette énergie, y avoir un résultat dans le monde. C'est pourquoi plus vous allez avancer, hein, plus les entités qui sont contraires au processus d'évolution de l'homme vont faire interférence et vont vous mettre des tentations de plus en plus fortes pour vous faire chuter. Alors ça peut être très subtil. Vous pouvez avoir une idée, par exemple, vous vous dites, c'est bien de donner, de faire tel et tel geste. Et puis là, vous allez être tenté, évidemment, les gens vont vous dire, oh, c'est pas important cette chose-là, laisse donc faire ça, même si c'est pas très bon, etc. Si vous résistez, vous allez augmenter votre potentiel intérieur, vous allez être content. Si vous ne résistez pas, si vous chutez, vous allez sentir à l'intérieur de vous-même que vous avez justement manqué à l'affaire. Ça, il y a une dimension psychologique à ça, il y a une dimension aussi énergétique. Et dans la mesure où vous allez accumuler donc cette énergie, vous allez pouvoir par la suite agir dans le monde et agir d'une manière consciente. Donc, la période du carême, si on n'entre pas dans des détails rituels, comme on a fait aujourd'hui à Sherbrooke dans le séminaire, si on n'entre pas dans des détails très rituels pour faire une action pratique durant le carême, si on veut rester puis on n'a pas le choix dans 2 minutes, si on veut rester simplement comme ça, en regardant ça de haut un peu, c'est le sacrifice, c'est-à-dire la résistance à certaines tentations qui va augmenter à l'intérieur de nous-mêmes une énergie, qui va dynamiser une énergie qui par la suite pourra être utilisée dans notre travail dans le monde. Quelle différence fondamentale faites-vous entre les esprits lucifériens et les esprits arimaniens? Les lucifériens sont des entités dont la tâche principale est d'amener l'homme à chuter par la sexualité, par l'élément passionnel. Ils ont aussi un certain rôle au niveau du mental, mais très peu au niveau du mental. C'est pourquoi ce sont ces entités-là qui vont intervenir dans les cas justement d'action passionnelle. Alors que les arimaniens, eux, ont une fonction à jouer sur le plan mental. Eux, c'est eux qui manipulent beaucoup plus facilement les énergies mentales, et c'est eux qui vont dire, comme je le disais tout à l'heure, aux matérialistes, il n'y a que la matière, et aux spiritualistes, il n'y a que l'esprit. Donc, ils vont détruire l'union des deux polarités, et ils vont amener les deux dans une direction qui est tout à fait fausse, dans les deux cas. Alors, les arimaniens travaillent plus à ce niveau-là. Maintenant, il y a quelque chose de plus. Lucifer, c'est le plus grand dégénéré des anges. Vous savez qu'il y a plusieurs cœurs angéliques, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les 72 sont en 9 cœurs angéliques. Le cœur angélique le plus bas, les chérubims, les anges, le plus grand dégénéré des anges, c'est Lucifer. C'est l'ange déchu par excellence. Il y a toute une cour, évidemment, de petits anges déchus tout autour, mais lui, c'est le suprême manipulateur de ça. Alors que les anges les plus évolués ont comme chef Jéhovah. Il a dévoué Jéhovah, donc, qui est cette entité, cet ange lunaire qui est resté fidèle à la lumière. Les arimaniens ne sont pas réellement des anges. Ils sont des anges, c'est-à-dire qu'on parle très souvent d'eux comme étant des anges dans le sens grec de angelos, de messager. Mais ils sont pas dans cette même hiérarchie. Ils sont dans ce que la Kabbale appelle les bénis Elohim, ou ce que nous on appelle les archanges, les fils de Dieu. Eh bien, les fils de Dieu, c'est des archanges. Le plus grand dégénéré des archanges, c'est Ahriman. Et le plus grand initié des archanges, c'est le Christ. Le Christ, c'est un être solaire, c'est une conscience solaire qui habite le soleil, du reste, ou enfin la dimension spirituelle du soleil. Et le Christ, donc, est ce plus grand initié au niveau des archanges. Ahriman est le plus grand dégénéré des archanges. C'est en ce sens-là qu'on peut dire qu'Ahriman est l'Antichrist. Parce qu'il est l'élément totalement contraire sur le plan de la même vague de vie. C'est-à-dire que l'archange le plus avancé, le Christ, le moins avancé, le plus dégénéré, Ahriman, donc il y a Christ et Antichrist. Comme on pourrait dire que les Lucifériens sont des anti-Jéhovah ou des anti-Saint-Esprit. Et ça va très loin, parce qu'on sait en ésotérisme que le Saint-Esprit, c'est celui qui s'occupe des énergies créatrices. Et que le Saint-Esprit, le péché contre le Saint-Esprit, c'est le péché d'un abus et d'une mauvaise utilisation de l'énergie sexuelle. Donc, on se rend compte très bien que celui qui est le plus avancé dans les anges, c'est-à-dire le Saint-Esprit, si on veut, ou la manifestation au niveau de notre planète du Saint-Esprit sur la Lune, qui est Jéhovah, eh bien, on se rend compte que lui, il va nous amener à une pureté sur le plan sexuel. Mais les anti-Saint-Esprit, les Lucifériens, c'est pourquoi ils sont les êtres qui, sur le plan de la vitalité du corps éthérique, vont amener les gens à une perversion sur le plan sexuel. C'est leur fonction. Écoutez, les Lucifériens ont beau être dégénérés, ce sont des anges, ce sont des manipulateurs des énergies sexuelles. Hein? Lorsque une naissance arrive à quelque part, c'est Gabriel qui l'annonce. C'est Gabriel qui a annoncé à Zacharie la naissance de Jean-Baptiste. C'est Gabriel qui a annoncé à Marie la naissance de Jésus. C'est Gabriel qui a fait des annonces aussi dans l'Ancien Testament. Gabriel qui est l'envoyé, l'ambassadeur de Jéhovah sur terre, c'est cet ange, justement, qui annonce les naissances. Donc, c'est lui qui manipule la sexualité. Et les Lucifériens, évidemment, manipulent la sexualité, mais à leur manière, c'est-à-dire à la manière de l'inversion du 6. Alors, ce sont les anti-Saint-Esprit. Et Ahriman, donc, se distingue des Lucifériens dans le sens où il est, lui, réellement l'Antichrist. Bien que les Lucifériens soient dans le corps mystique de l'Antichrist, si on veut, la tête de l'Antichrist, c'est Ahriman. Et lorsqu'il aura cette incarnation d'Ahriman, dans les années qui viennent, ce sera l'incarnation, justement, authentique et réelle de l'Antichrist. Mais ce ne sera pas un archange qui s'incarnera, ce sera sa conscience à travers un humain, à travers même une entité qu'on pourrait appeler une entité éthérique. Ça, c'est des détails peu importants, là, mais je pense que ça fait un peu la distinction entre Ahriman et Lucifer. Question qui concerne l'esprit et les pouvoirs de l'esprit. Qu'entendez-vous premièrement par les pouvoirs de l'esprit? Pourquoi êtes-vous si certain que ces pouvoirs se manifesteront à travers l'homme? L'esprit fait-il vraiment partie de l'homme? Encore une question. La nouvelle conscience n'est-elle pas la manifestation des pouvoirs de l'homme? Voulez-vous que je les relise? Non, ça va. Bon. Ce que j'entends par les pouvoirs de l'esprit, c'est la manifestation à trois niveaux de la lumière. La manifestation au niveau de l'enseignement, de la guérison et de l'exorcisme. Ça, c'est les trois grands secteurs des pouvoirs de l'esprit. Les pouvoirs de l'esprit sont la manifestation sur les plans bas de la création, c'est-à-dire sur les plans des ténèbres, des puissances de la lumière. Cette manifestation-là, elle se fait par le langage. Lorsque quelqu'un parle, puis lorsqu'il réalise que c'est pas lui qui parle, là, c'est les puissances de la lumière qui passent. Lorsqu'une personne guérit et qu'il réalise que ce n'est pas lui qui guérit, autrement dit, qu'il s'investit pas personnellement dans la guérison, là, c'est l'énergie de l'esprit qui passe. Et lorsqu'une personne exorcise, et que c'est pas au nom de sa personnalité, mais c'est au nom des puissances de la lumière, là, il manifeste les pouvoirs de l'esprit. Est-ce que l'esprit, c'est l'homme ou ce n'est pas l'homme? Eh bien, la question peut se poser. Je pourrais vous répondre ceci. Si vous croyez que l'homme, c'est la personnalité, c'est le masque, autrement dit, si vous croyez que l'homme, c'est le corps physique, le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, alors, l'esprit, c'est pas l'homme. Mais si vous croyez que l'homme, c'est l'individualité, l'indivisible dualité, c'est l'esprit, justement, cette parcelle de lumière qui est descendue dans la chair, à ce moment-là, je vais vous répondre que l'homme, c'est l'esprit. Mais qu'est-ce que c'est que l'homme d'un point de vue ésotérique? L'homme d'un point de vue ésotérique, c'est l'union entre l'esprit et la chair. Autrement dit, l'homme correspond dans notre système solaire. Parce que c'est un cas unique dans le système solaire. L'homme est un cas unique non seulement dans le système solaire, mais dans plusieurs systèmes solaires qui nous entourent. C'est pourquoi la Terre, elle est fondamentalement d'une importance capitale. Parce que l'homme est justement une créature toute spéciale qui réunit les deux. Hein? Chez les animaux, l'esprit n'est pas dans l'animal. Alors, un animal, ce n'est pas l'esprit, parce que l'animal n'a pas de lien entre le côté spirituel et le côté matériel. Ce n'est que de la matière qui est dirigée d'en haut à travers un corde, comme une espèce de cordon ombilical qui est dirigé par des esprits collectifs en haut. Une plante, c'est la même chose. Un minéral, c'est la même chose. Un ange, ce n'est pas non plus un esprit dans de la chair, parce qu'il n'y a plus de corps de chair. Bon, sauf certaines personnes qui se font passer pour des anges. Alors que l'homme, c'est ça le problème, et c'est ça la merveille, l'homme est à la fois corps de chair animal et esprit, c'est-à-dire que son esprit est à l'intérieur de cette prison de chair. Et c'est ça qui fait sa puissance, parce que c'est lui, donc, qui peut être le souverain pontife, qui peut être le pont entre le ciel et la terre, c'est lui qui peut avoir une action dans le monde, parce que cet esprit qui est maintenant dans la chair, elle peut justement transmuter cette chair. Alors, comme l'homme a été l'entité qui a fait chuter l'ensemble de la création, c'est l'homme aussi qui va amener la rédemption de l'ensemble de la création par le fait qu'il est justement la manifestation de l'esprit. Maintenant, à savoir, est-ce que le nouvel état de conscience de l'homme va être en rapport avec justement la manifestation de ses pouvoirs? Bien, d'abord, le mot « pouvoir », il est dangereux un peu. Il faut faire attention. Il faut pas dire après, lorsque vous allez sortir, que je dis qu'il faut développer ses pouvoirs. Je dis qu'il faut vivre d'une manière ésotérique, en conformité avec la lumière, et que normalement, on exprime à partir de ce moment-là les pouvoirs, c'est-à-dire les pouvoirs de la lumière. Et évidemment, l'homme sera identifié dans les siècles qui viendront avec le fait qu'il manifeste des pouvoirs, avec le fait qu'il ait lui-même pouvoir, et son état de conscience va évidemment être changé. Mais ce moment-là n'est pas venu. Évidemment, il commence à se manifester tranquillement, commence à se réaliser tranquillement, et c'est tout le travail, évidemment, du processus initiatique. Alors, l'homme, c'est une entité très complexe. Si vous l'étudiez de manière métaphysique, on va vous dire, c'est un corps, c'est une âme et c'est un esprit. Bon, pourquoi on dit cela? C'est parce que, la chose suivante, l'homme, c'est un corps, c'est-à-dire c'est de la matière. L'homme, c'est un esprit, c'est-à-dire c'est de la matière aussi, mais à un autre niveau vibratoire, c'est de la lumière, si on veut, c'est de la divinité, si on veut. Et l'âme, c'est de l'âme, parce que l'âme, c'est le contact entre les deux. Lorsque l'esprit entre dans la matière, je vous ai dit tout à l'heure, il subit la résistance. Et là, il est dynamisé. Et qu'est-ce qui sort de ce contact entre l'esprit et la matière? C'est ce que les ésotéristes appellent l'âme. L'âme, c'est un condensateur de l'énergie dynamique qui a été produite entre l'esprit et le corps. Ça, Max Endel, qui était cité tout à l'heure, a très bien explicité ça dans ses écrits, ce qui montre très bien, donc, que l'homme est aussi âme, c'est-à-dire que l'homme est aussi pouvoir. Donc, ça répond au troisième aspect de la question, savoir est-ce que l'homme est identifié à la manifestation de ses pouvoirs. Oui, lorsqu'on parle de l'homme comme d'une âme, c'est-à-dire un produit mixte d'esprit et de matière, c'est-à-dire le résultat final de cette fameuse union entre le ciel et la terre, entre la lumière et les ténèbres, c'est-à-dire la matière. Donc, homme, corps, âme et esprit, c'est en fait une partie du mystère même de ce qu'est l'humanité. Parfait. La différence entre Jésus-Christ et le corps mystique du Christ, puisqu'on relate dans la Sainte Bible que Jésus est mort, Christ est ressuscité. C'est une autre bonne, très bonne question qui demande beaucoup de développement aussi. Je vais parler un peu plus vite. Jésus, c'est un homme. Jésus, c'est un être qui a vécu de nombreuses existences antérieures, qui a vécu de nombreuses initiations antérieures, qui est né d'un homme et d'une femme, Marie-Joseph, qui était des Esséniens, qui a été élevé dans la tradition essénienne, qui a reçu des techniques qui l'a amené plus tard à guérir les malades, et qui a récapitulé toutes ses initiations antérieures, c'est-à-dire qu'il est passé par Lhasa au Tibet, il est passé en Égypte, la fameuse fuite en Égypte, où il a récapitulé ses initiations égyptiennes. Il est passé dans tous les centres initiatiques terrestres. Il a donc redynamisé son énergie. Et au moment du baptême, cet homme, qui était le plus grand initié de la planète de l'époque, qui avait été mis au monde par les deux plus grands initiés de la planète, Marie et Joseph, presque les plus grands initiés, en tout cas de très grands initiés, pour être plus précis, eh bien, ce Jésus a donc, au moment du baptême, fusionné avec le Christ. C'est-à-dire que la conscience archangélique du Christ est descendue véritablement dans cet homme qui s'appelait Jésus. Là, les détails, ils sont assez complexes, c'est-à-dire que je vous les donne, mais je vous demande pas de les comprendre nécessairement. Le corps physique et le corps éthérique de Jésus a été conservé. Jésus lui-même, l'esprit du Nazaréen, l'esprit de l'homme Jésus, a quitté les plans matériels dans son corps astral, dans son corps mental. Il s'est retrouvé dans l'astral où il enseigne aux églises et maintenant il enseigne à des mouvements ésotériques aussi. Et le Christ, lui, était dans son véhicule, parce que le plus bas véhicule que le Christ s'est développé à ce moment-là, c'est un corps astral. Donc le Christ qui venait du soleil, qui n'avait pas normalement de corps astral, mais il a fait appel aux archanges, qui sont les manipulateurs de l'astral, il a construit il s'est construit un corps astral, il s'est construit un corps mental en faisant appel au Seigneur de l'intellect, et là, il est descendu, et au moment du baptême, qu'est-ce qui s'est produit? Bien, Saint Jean-Baptiste avait noyé Jésus. Jésus était pratiquement mort, c'est-à-dire qu'il était sorti de son corps, et là, il y a eu un décalage, un découpage, c'est-à-dire qu'on a fait une rupture du cordon d'argent. On a libéré Jésus et on a branché le Christ sur les véhicules inférieurs de Jésus et c'est devenu Jésus-Christ. C'est la seule fois d'ailleurs dans toute l'histoire du système solaire où il y a eu ce type de fusion. Il y a eu une seule fois dans le système solaire, ça a été sur la Terre, ça ne se reproduira plus. Donc c'est un cas très très important pour notre système solaire de l'union entre un archange et un homme de cette manière-là. Ensuite, Jésus-Christ est venu dans le monde. Et qu'est-ce qu'il a fait? Jésus-Christ a travaillé, a fait tout son ministère, et ensuite il est mort sur la croix. Qu'est-ce qui s'est produit? Sur la croix, il y a eu destruction des aspects inférieurs de Jésus-Christ, c'est-à-dire des aspects de Jésus lui-même. Le Christ lui-même a été libéré, il est ressuscité, c'est-à-dire qu'il a quitté la domination de la matière, il a pénétré à l'intérieur de la terre par le sang qui a été versé sur le Golgotha, il a commencé une alchimie, c'est-à-dire qu'il a irradié de l'énergie de par le centre de la Terre, et il a purifié les zones astrales autour de la Terre. Il était venu pour ça, d'ailleurs, pour un nettoyage sur le plan astral, et pour mettre des bannières, ou des balises, plutôt, dans les plans supérieurs, pour que l'initié puisse, par lui-même, sans l'intervention d'un grand prêtre, suivre ces bannières lumineuses et se rendre au bout du sentier, si l'on veut. Alors, il y avait beaucoup de raisons pourquoi il est venu, mais pour répondre à la question... Le Christ, évidemment, n'est pas mort, il est ressuscité, c'est-à-dire qu'il a été libéré de la dimension matérielle humaine de Jésus, alors que Jésus, en ce sens-là, est mort, mais il n'est pas réellement mort non plus, puisque je vous le dis qu'il est dans l'astral et qu'il agit actuellement avec les églises, et avec certaines écoles ésotériques. Il n'est pas vraiment mort, mais il est mort dans le sens où Jésus ne peut pas se réincarner. Jésus ne se réincarnera pas. Jésus ne peut plus se réincarner parce que son corps éthérique, Son corps vibratoire, il est conservé actuellement. Il est dans un cercueil de verre, dans une caverne très profonde au niveau de la Terre. Il est dans le verre parce que les Lucifériens ne voient pas à travers le verre, des raisons de constitution vibratoire. Et il est conservé donc dans ce cercueil pour le moment où le Christ devra réapparaître dans l'éthérique, comme on en a parlé au début de la conférence. Et là, il se servira du corps éthérique de Jésus. Parce qu'il y a une règle occulte qui veut que lorsque on entre par une porte, il faut ressortir par la même porte. Alors, lorsque le Christ est entré dans la terre, il est entré par le corps vital de Jésus. Donc, il doit ressortir de la terre par le corps vital de Jésus. Donc, ce corps-là, il est conservé par les initiés, et c'est l'un des plus grands trésors de la terre, parce que s'il était détruit, le Christ ne pourrait pas quitter la terre tant que le système solaire ne serait pas dissous dans un moment, donc, de dissolution universelle. Donc, tout ça pour vous dire que Jésus, il est mort dans le sens où il n'est plus ce qu'il était. Il a vécu une mort initiatique parce que c'est la plus grande initiation que fusionner avec un archange. Et évidemment, il s'est sacrifié, il a donné ses véhicules au Christ, mais il en retire une gloire épouvantable puisqu'il a énormément élevé le taux vibratoire de son propre être. Donc, Jésus est mort dans le sens où il n'est plus ce qu'il était. Et le Christ, lui, évidemment, est toujours vivant puisqu'il est ressuscité, il s'est libéré des entraves de la chair. Bien. Qu'est-ce qui devra déterminer la fin du cycle matériel de l'homme? Reste 2 minutes. La fin du cycle matériel de l'homme est en rapport, justement, avec le niveau d'expérimentation que cet homme-là aura vécu. C'est-à-dire que lorsque le cycle sera terminé, c'est que l'homme sera véritablement un manipulateur de la matière. C'est-à-dire que l'homme pourra construire des objets, l'homme pourra altérer la tonalité, par exemple, il pourra transformer des pierres en pain, c'est-à-dire qu'il pourra transformer cette table-là en un autre objet, prendre le taux vibratoire, par exemple, d'un objet de plastique et le transformer en une plante ou le transformer en un animal. Donc, il aura un pouvoir d'incantation, un pouvoir du verbe qui va lui permettre de changer la nature des choses. Il aura donc atteint un niveau de maîtrise de la matière. Et lorsqu'il aura cela, il pourra arriver à l'étape qui va justement marquer la fin du cycle, c'est-à-dire à l'étape où il va être capable de faire passer les choses du plan de la visibilité au plan de l'invisibilité. C'est-à-dire qu'il va pouvoir se faire passer lui-même sur les plans supérieurs. Ça, c'est très simple. Il s'agit d'élever le taux vibratoire d'un objet pour qu'il disparaisse à la vision, pour qu'il passe dans une autre matière. Et c'est lorsque lui, cet homme, pourra élever son taux vibratoire d'un plan visible et passer dans l'invisible, qu'il va passer justement dans l'éthérique, dans la Nouvelle Jérusalem, et que son cycle sur le plan matériel sera terminé. Autrement dit, l'homme ne sera pas libéré par quelqu'un qui vient de l'extérieur. Il ne s'agit pas de monter sur une colline pour rencontrer des sauveurs. C'est pas ça. L'homme va être libéré par son propre feu intérieur, par le Shin des kabbalistes, par le Christ intérieur. Il va être libéré du fait qu'il va être capable d'élever son taux vibratoire. Donc, la libération à la fin du cycle, elle ne se fait pas par don de l'extérieur, elle se fait uniquement par le fait que l'homme devient lui-même capable de manipuler le taux vibratoire de la matière, le taux vibratoire des objets. Et là, il passe sur ce nouveau plan. Donc, c'est pourquoi le travail de l'homme, c'est de travailler avec la matière, mais à un niveau spirituel, c'est-à-dire à un niveau d'altération des taux vibratoires. Et c'est uniquement ça que l'homme doit faire. Parce que tant qu'il ne sera pas maître de la matière... Avec bonheur que vous n'avez pas chômé quant au petit travail qui vous avait été demandé. Alors, je n'aurai pas le temps de trier toutes les questions. On va les prendre comme elles viennent. Et on va essayer de répondre au maximum de questions possibles. Alors, la première question concerne l'antéchrist. L'antéchrist de la Bible va imposer une marque 666 sur la main droite ou le front. Si l'on n'accepte pas de la recevoir, ces gens vont périr. Votre opinion sur cela? Et c'est dit ici, l'antéchrist de la Bible va imposer une marque 666 sur la main droite ou le front. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, d'abord, si on regarde l'aspect de cette information-là, il faut la remettre dans son contexte, qui est celui de l'Apocalypse de Saint-Jean. L'Apocalypse de Saint-Jean est un texte initiatique qui a pour fonction de transmuter le 6 en 9, c'est-à-dire de transmuter la sexualité qui est orientée vers le bas en une sexualité qui est orientée vers le haut, ce qui correspond à l'initiation. Donc, le 666, c'est la manifestation de la puissance antichristique, de la sexualité passionnelle sur les trois plans de l'existence, c'est-à-dire sur le plan du corps, sur le plan de l'âme et sur le plan de l'esprit. Lorsqu'on veut qu'une chose soit effective, réellement efficace dans un univers, il faut la mettre sur trois plans, c'est-à-dire qu'il faut la répéter trois fois. Par exemple, un mantra qui nous permettrait de se régénérer, comme par exemple « Igni Natura Renovatur Integra », qui est un mantra d'éveil à l'intérieur du feu qui consomme la matière, bien, si on veut qu'il soit efficace, il faut le répéter trois fois. C'est pourquoi Saint-Pierre a renié trois fois le Christ, pour qu'il l'ait vraiment renié, ainsi de suite. C'est pourquoi certaines personnes vont cracher trois fois sur le sol pour se libérer d'un sortilège, des choses comme celle-là. Alors, on a mis trois fois le 6 pour représenter justement le fait que le 6 est sur les trois plans d'existence. Maintenant, le 6, à quoi il correspond? Je ne peux pas vous donner tout ça en détail. Évidemment, ça nécessiterait beaucoup trop d'explicitation. Mais le 6, il correspond à l'union de deux triangles, de deux ternaires, c'est-à-dire un ternaire, un triangle qui correspond, si l'on veut, à l'absolu, à la divinité, et un autre ternaire qui correspond à celui qui se prend pour l'absolu, la personnalité, l'homme. Donc, l'homme a un certain niveau d'énergie. Donc, il y a affrontement, c'est-à-dire que les deux triangles, les deux ternaires s'affrontent les uns l'un contre l'autre, et ils se placent comme ceci, et ils forment les cornes, justement, du diable, il forme les deux pointes vers le haut du pentagramme qui est inversé, c'est-à-dire qui pointe vers le bas, le pentagramme de la magie noire. Donc, le 6, il correspond à toutes ces réalités et il correspond surtout à un état d'énergie qui est dans une basse dimension. Maintenant, si vous regardez un peu la numérologie à travers, par exemple, le Claude de Saint-Martin, vous savez que 6 et 6, vous pouvez le réduire théosophiquement, c'est-à-dire additionner les trois chiffres et vous obtenez 18. Et si vous additionnez 18, vous obtenez 9. Ce qui montre quoi? Ce qui montre ceci. Ce qui montre que le 666 est un état de conscience de l'humanité, mais qui va éventuellement, lorsqu'il va cheminer dans son processus, se transmuter progressivement en 9. Et si vous regardez le nombre des élus, 144 000, vous additionnez, vous avez également 9. Donc, les deux, c'est vous retrouvez la même racine théosophique, le 9. Pourquoi? Parce que 666 et 144 000, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est-à-dire c'est l'homme. Le chiffre de l'homme, c'est le 9. L'homme vit en fonction du 9. Il se développe après 9 mois de gestation, etc., etc. Donc, c'est, lorsqu'on parle du 666, on parle de l'homme. Mais on parle de l'homme dans un état de conscience pervers, qui est l'état de conscience antichristique. Alors que, éventuellement, il se transmute, et lorsqu'il est prêt à être élu, lorsqu'il est prêt à la résurrection, là, il a le 144 000. Alors, l'idée d'opposer la marque du 666, c'est très simple, notamment, par exemple, sur le front ou sur la main, c'est que les mains, au niveau de l'homme, ce sont là, c'est là que le pouvoir s'exprime. Donc, si on marque la main d'un 666, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme va agir, évidemment, dans le monde, à travers ce schéma du 666, à travers le schéma antichristique. Donc, lorsqu'on marque la main, c'est ça. On marque l'action de l'homme. C'est pourquoi Hegel, qui est un philosophe rose-croix, disait que le royaume des cieux arrive et que nos mains ne demeurent pas inactives. Toute l'action de l'homme, tout son travail de construction, parce qu'il est un constructeur, un architecte, bien, se fait par les mains. Si on marque les mains, donc, c'est fini. L'homme agit pour et par l'Antichrist. Si on lui marque le front maintenant, c'est parce qu'au niveau du front, c'est là que réside derrière le voile d'Isis, c'est là que réside l'esprit de l'homme. Alors, si on lui marque le front, c'est qu'on marque son esprit et que spirituellement, c'est-à-dire divinement, il va être orienté vers le mal, c'est-à-dire vers l'Antichrist. Et c'est pourquoi on lui marque donc ces parties du corps qui sont en rapport vibratoire avec son action dans le monde et avec son esprit, c'est-à-dire avec sa volonté. Et lorsqu'on lui marque ça sur le front, sa volonté est inversée et elle est en rapport vibratoire avec le 6. Et tout le travail de l'initiation sera de retourner le 6 et d'en faire un 9, c'est-à-dire de repartir en 9 finalement. Alors ce n'est donc pas l'Antéchrist qui impose cette marque, mais c'est l'Antichrist. C'est l'Antichrist. OK. Là, il y avait une autre question, pourtant il m'a semblé que ça avait été répondu. L'Antéchrist et l'Antichrist sont semblables selon la parole de Dieu, votre avis? Il me semble que ça a été expliqué, la nuance. C'est ça. Ça a été expliqué d'une façon étymologique, c'est-à-dire que « anti » veut dire « contre » et « entrée » veut dire quelque chose qui précède. D'antérieur, qui vient avant. Dieu dit dans la Bible que l'Antichrist va être jeté dans l'étang de feu à jamais. Qu'en pensez-vous? Référence l'Apocalypse, Révélation. Bon. Évidemment, faut s'attendre à ce type de question, c'est-à-dire que c'est toujours en rapport avec un processus alchimique. L'Apocalypse de Saint-Jean... Bon, j'ai donné quelques conférences là-dessus. Il faut aller très loin, il faut développer doucement, il faut voir toutes les étapes, qu'est-ce que c'est que la bête, etc., etc. L'étang de feu, en tout cas, à un premier niveau, ça correspond à un niveau de purification, c'est-à-dire que l'homme vit, sur le plan matériel, avec les quatre éléments, ce que les hébraïsants appelaient Yam, Nou, Ruach, Yabesha, le Inri, les quatre éléments, l'eau, l'air, la terre et le feu. Mais il y a un cinquième élément quelque part, un cinquième élément qui est ce qu'on appelle la quintessence. Et l'homme doit passer de cette étape où il est enchaîné dans la matière, où il est enchaîné dans le carbone, parce que l'organisme humain, il est bâti, toute la chimie organique est bâtie autour du carbone, tant et aussi bien qu'on dit que la chimie organique, c'est la chimie du carbone. Donc, on est organisé autour du carbone, et le carbone est un atome qui greffe à lui-même quatre autres atomes. On appelle ça des valences. Il y a quatre valences au niveau de l'atome de carbone. Et ce qu'il faut faire, c'est de passer de l'étape du 4, c'est-à-dire la crucifixion, la croix, à l'étape du 5, qui est l'étape du phosphore notamment, qui est une étape où justement on va rentrer un nouvel élément. Alors cet étang de feu, elle correspond symboliquement à ce nouvel élément, à cet élément qui va consumer la matière dans son quaternaire et qui va nous faire passer à la quintessence, sur un plan philosophique, c'est-à-dire à la cinquième essence. Et cette cinquième essence, c'est l'éther. Dans toutes les philosophies, que ce soit ésotérique ou pas, chez les stoïciens, chez les platoniciens, enfin tous les philosophes qui nous ont précédés et qui étaient influencés par les mystères, comme les mystères de Leusis, comme les mystères orphiques, comme les mystères égyptiens, c'était des philosophes qui considéraient justement qu'il y a un cinquième élément à quelque part. Et c'est ce cinquième élément qu'on appelait le feu, à distinguer du feu des quatre éléments de base, ce cinquième élément très volatile, que d'autres ont appelé l'éther, d'ailleurs le mot éther n'a pas été inventé par les occultistes modernes, ni par les scientifiques d'ailleurs, il était connu chez les anciens grecs, c'est un mot grec, et l'éther justement, c'est cette cinquième essence. Donc lorsqu'on précipite l'Antichrist dans la cinquième essence, ce que l'on fait en fait, c'est la transmutation. On fait passer L'état de conscience qui est orienté vers les quatre éléments a un état de conscience qui est orienté vers cinq éléments. Et lorsque cet état de conscience est orienté vers le cinquième élément, c'est le passage dans ce qu'on appelle la Jérusalem céleste. Alors, il y a une façon de le faire consciemment, ce passage. Autrement dit, il y a une façon ésotérique, occulte, de jeter l'Antichrist dans le feu. Et cette méthode occulte, je vous la donne maintenant, c'est une méthode basée sur un développement initiatique. C'est une des méthodes ésotériques qu'on peut donner dans le cadre, par exemple, de séminaires sur la magie. C'est le matin, lorsque vous vous levez, vous programmez votre journée à travers des mots de pouvoir. Le mot de pouvoir qui vous permet de passer des quatre éléments de la croix au cinquième élément, c'est-à-dire, autrement dit, dans une mystique rosicrucienne, de faire fleurir la rose sur la croix, le cinquième élément, ce mot de pouvoir principal, c'est le mot « inri ». Le mot « inri », dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le mot qui dynamise le feu intérieur. Donc, le matin, en vous levant, vous pouvez très facilement programmer votre journée en prononçant trois fois le mot « inri » de la façon suivante. « Yam, Nour, Ruach, Yabesha », les quatre éléments. Alors, vous prononcez ça trois fois. Ensuite, vous prononcez le mot « inri », mais sous une autre forme, selon la maxime alchimique « Igne natura renovatur integra », c'est-à-dire « la nature se renouvelle dans son intégrité par le feu ». Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous répétez ça encore trois fois et vous passez des quatre éléments de base, le « Yam, Nour, Ruach, Yabesha », au cinquième élément. Parce que l'apparition du cinquième élément, il se fait dans l'athanor de l'alchimiste, il se fait lorsque l'alchimiste prononce cette expression de pouvoir, igne natura renovatur integra. Hein? Il faut bien comprendre que quand on prononce des mots, on amène sur Terre des énergies très, très importantes. Et lorsque vous prononcez ça, dans le cadre d'une méditation avec mantra le matin lorsque vous vous réveillez, vous entrez en vous une programmation d'énergie qui va faire que toute votre journée, vous allez passer justement des quatre éléments au cinquième. Et vous terminez en répétant trois fois, c'est pas une recette que je vais vous donner, là, je joue pas à Sœur Berthe, mais c'est une méthode qui peut permettre justement ce passage. La troisième fois que vous répétez trois fois ce mantra, INRI, vous le répétez sous une autre forme, INNECIS RENOVATUR INTEGER, ou RENASCOR INTEGER, pardon, INNECIS RENASCOR INTEGER, qui veut dire « dans la mort, renaître intact et pur », qui est une maxime initiatique. Alors, vous avez les trois niveaux. Vous commencez avec les quatre éléments. Vous mettez ces quatre éléments dans le feu en disant le igne natura renovatur integra. Et là, vous arrivez à la dernière étape, au troisième ternaire, c'est-à-dire la troisième fois où vous répétez trois fois le mantra en disant innecis renascor integer, c'est-à-dire dans la mort, renaître intact et pur. Là, vous passez à l'initiation. Alors, si vous donnez les trois éléments répétés trois fois, vous programmez tout votre individu, et si vous le faites pendant un certain nombre de jours et un certain nombre d'années, vous programmez toute votre personnalité vers la mort initiatique et vers le passage des quatre éléments aux cinq éléments, c'est-à-dire à la quintessence. Donc, vous vous préparez alchimiquement, ésotériquement et vibratoirement à passer dans la Jérusalem céleste. Et c'est l'expérience qui est présentée dans cette question-là. Est-ce qu'il suffit de répéter ces mots de pouvoir simplement par répétition ou est-ce qu'il faut en comprendre le sens lorsqu'on les répète? Bon, ça, c'est une question intéressante. Il faut d'abord les dire, et les dire comme je les ai dit, c'est-à-dire d'abord en hébreu et ensuite en latin, parce que lorsqu'on prononce, par exemple, une expression en latin, on n'a pas la même vibration que lorsqu'on la prononce en français. Si vous dites « Dieu » en français puis que vous dites « Deum » en latin, vous avez une vibration totalement différente. Bon, le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est la fameuse invocation à la Trinité. Ça, c'est des éléments de magie, évidemment. Lorsque vous dites « au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », bon, ça va, ça crée un certain courant d'énergie. Mais si vous dites « in nomine Patris et Filius et Spiritus Sanctus », là, vous créez un courant d'énergie très, très puissant qui fait que, pour les clairvoyants, dans la salle où vous allez prononcer ça, il va apparaître, si c'est prononcé avec une certaine dévotion, il va apparaître de la lumière colorée. Lorsque vous allez nommer Patrice, il va apparaître du bleu, Filius, il va apparaître du jaune, et Spiritus Sanctus, il va apparaître du rouge, qui sont les trois couleurs primaires. Et ça apparaît dans l'aura de la salle dans laquelle on se retrouve. Et ça a un effet, évidemment. Donc, les mots créent des formes, créent des couleurs dans l'aura autour de soi. Le fait de le prononcer, c'est déjà un pouvoir. Et ça s'intègre, évidemment, à l'intérieur de toute la personnalité. Maintenant, il faut, évidemment, si le matin, lorsque vous levez, vous programmez toute votre personnalité à répondre à un impératif initiatique comme celui-là, et puis que durant toute votre journée, vous faites tout le contraire, c'est-à-dire que vous ne faites que favoriser les quatre éléments, vous n'avez pas une pensée dans la même orientation, évidemment, il va y avoir quelque chose. C'est-à-dire que c'est impossible qu'il n'y ait pas d'effet. Toute votre personnalité va progressivement se structurer. Mais ça va peut-être se manifester dans 20 ans, ça va peut-être se manifester dans deux vies. Mais si vous l'intégrez psychologiquement et consciemment, là, c'est un processus qui peut s'opérer beaucoup plus rapidement parce que votre acte est en harmonie avec votre parole. Mais déjà, la parole, c'est déjà beaucoup. Mais l'acte, évidemment, lorsqu'elle suit la parole, elle concrétise sur le plan tangible le résultat. Autrement dit, vous pouvez être un Dieu en potentiel, en vous programmant par des mots de pouvoir, mais vous ne serez actif que dans la mesure où vous agirez avec tout votre corps, avec toute votre conscience. Une question subtile, là. Un individu peut-il osciller entre les deux forces, celle de l'antéchrist et celle de l'antéchrist? Existe-t-il une troisième voie de neutralité? Bon. Il y a un individu, je ne parle pas d'un individu incarné, là, je parle d'un archétype, il y a un type d'individu qui existe, qui justement se pose la question. Et cet individu-là, c'est l'amoureux, dans la carte, dans l'arcane du tarot. L'amoureux est face à une décision épouvantable. Il est entre la belle Rachel et l'affreuse Léa. Il est entre deux femmes, évidemment, la tentation vient toujours de la femme. Il est entre deux femmes et une femme lui dit, écoute, c'est la première femme, la femme qui représente le côté positif qui est à sa droite, elle a une couronne d'Uréus, c'est-à-dire une couronne initiatique. Elle lui propose la voie de la vertu. Et il y a l'autre côté, une femme qui a une couronne en feuilles de vigne, elle représente la bacchante, elle représente tout le courant de laisser-aller, de perversion. Et la personne est au centre et l'amoureux doit choisir entre les deux. Et l'amoureux est dans une position rituelle qui est celle de la position du bon pasteur aux Écritiens, c'est-à-dire la position comme ceci. Et là, il y a une indécision pendant un certain temps. Mais l'arcane de l'amoureux, c'est un arcane qui montre qu'il n'y a jamais une indécision statique terminale. C'est une arcane aussi de d'action. Pourquoi? Parce que l'arcane du tarot, qui est celle de l'amoureux, elle est liée à la sixième lettre de l'alphabet hébraïque, qui est la lettre Vau. D'ailleurs, le Vau qui se retrouve aussi dans le nom de Dieu entre deux femmes, entre les deux et. Il y a et, Vau et. Alors, le veau est là, et le veau, c'est le principe d'amour, c'est le principe de liaison, évidemment, c'est la sixième lettre de l'alphabet hébraïque, c'est le six, c'est le sexe, donc c'est l'élément d'amour, l'élément de réunion. Alors, qu'est-ce qui se produit? Il se produit deux choses. À un niveau psychologique, il y a un choix, c'est-à-dire que l'individu va choisir, et si c'est un être de lumière, il va choisir Rachel, il va aller dans la voie de droite, si c'est un être des ténèbres, il va aller dans la voie de gauche. Maintenant, est-ce qu'il y a une troisième voie? Il n'y a pas de troisième voie, mais il y a l'amour. C'est-à-dire, il y a le veau de cette carte, qui montre qu'à un autre niveau, il y a réunification à la fois des deux, de l'affreuse Léa et de la belle Rachel. Autrement dit, il y a une réunification des deux voix qui apparaissent à l'amoureux, dans son premier regard, comme étant totalement opposées. Autrement dit, il y a un travail réel, efficace, qui va se faire et qui va permettre éventuellement que les deux voix se réunifient. Donc, il y a une troisième voie, en quelque sorte, mais cette troisième voie, c'est l'union des deux. C'est l'union entre l'antéchrist et l'antichrist. Mais évidemment, actuellement, dans l'état de conscience d'aujourd'hui, on ne peut pas concevoir ça. C'est impossible de le concevoir, et c'est mauvais, et c'est même dangereux de le concevoir, parce qu'il faut justement aller dans la voie de droite, pour le moment. Mais lorsqu'on est rendu au bout de la voie de droite, on se rend compte qu'on a parcouru la voie de gauche. Autrement dit, que droite et gauche ne faisaient qu'une seule et même réalité. Et c'est tout cela qui est présent dans cette carte de l'amoureux. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui suit la troisième voie? Oui, c'est l'amoureux de la carte du tarot. C'est celui qui est dans la position du pasteur rosicrucien et qui va faire un choix, évidemment, sur un plan psychologique. Lorsqu'on va regarder cet amoureux, il va se diriger vers l'arcane du soleil, c'est-à-dire l'arcane qui permet l'expansion, ou bien vers l'arcane de la tour, s'il a choisi l'affreuse Léa. Mais cet individu, donc, psychologiquement, on aura fait un choix, mais au bout du compte, lorsqu'il va être rendu à la fin de son pèlerinage, il va se rendre compte que le choix, c'était un jeu. Et que de toute façon, il est arrivé à son résultat, et que ce résultat-là, c'était la conscience unificatrice, l'amour. Alors, au-delà de toute la question du rapport entre amis et ennemis, entre un qui s'oppose et un qui s'oppose, deux opposants, eh bien, il se crée à un moment donné un phénomène d'amour. Et ça, c'est le veau. Et d'une certaine manière, c'est une troisième voie, mais ce serait faux psychologiquement de le dire parce qu'il faut suivre l'une des voies, se rendre au bout, et là, on se rend compte que les deux étaient la même. Mais c'est le jeu, il faut accepter de le vivre, ce jeu-là. Alors, pour répondre à la question, il n'y en a pas de troisième voie, c'est-à-dire que nécessairement l'arcane du tarot de l'amoureux, qui représente cette tentation entre les deux, nécessite et entraîne un choix qui a des conséquences très importantes. Mais sur un plan autre de conscience, on pourrait dire que ces deux voies-là seront réunifiées par le fait que c'est la sixième lame du tarot, que c'est précisément l'amour qui se manifeste à ce niveau-là. Alors, cette unification dans le futur correspond peut-être à un passage après l'affrontement de la thèse et de l'antithèse. C'est une synthèse véritable. Mm-hmm. Ce serait comme un esprit de synthèse. C'est une synthèse, mais pas dans le sens où les deux vont être altérés, pas dans ce sens-là. Dans le sens d'une synthèse, oui. Mais ça ne se produira pas dans le futur. C'est-à-dire que cette chose-là ne se produit pas dans le temps. C'est pourquoi, nous qui pensons avec des concepts de temps, on n'a pas le droit de faire ça. En fait, je vous le fais parce que je sais que vous pouvez en prendre un peu. Tantôt, on m'a dit que vous pouviez en prendre un peu. Mais, dans le fond, lorsque on est dans le temps, il n'est pas question de ça. Dans le temps, il y a les deux voies. Et lorsque il n'y aura plus de temps, mais on peut même pas dire lorsqu'il n'y aura plus de temps, parce que si on dit lorsqu'il n'y aura plus de temps, ça fait appel à du temps. Ça fait appel à un temps, justement, où il n'y aura plus de temps. Autrement dit, c'est l'éternité. Et si on arrive à quitter le plan de la temporalité, et ça va se quitter uniquement lorsqu'on va avoir autodétruit le concept. Et c'est ça que plus tard, on essaiera de faire en conférence, d'autodétruire les concepts mentaux, parce qu'ils s'autodétruisent par eux-mêmes, en les faisant agir. Zénon, qui était un disciple d'Héraclite, qui est un vieux philosophe d'avant Socrate, un pré-socratique, bien Zénon lui-même a autodétruit le concept de déplacement, par exemple, le concept d'espace. Alors, ça peut s'autodétruire, ça. Mais dans la mesure où c'est pas autodétruit, dans la mesure où on est dans le temps, il y a un choix. C'est justement Héraclite qui disait que les chemins qui montent sont aussi les chemins qui descendent. Exactement. C'était le premier penseur de la conscience christique, de la conscience supramentale avant le temps. Eh bien, là, une autre très belle question. On parle toujours des initiés, mais existe-t-il aussi des initiés, eux? C'est vrai, parce que quand on regarde tous les tableaux ici, on ne voit aucune présence féminine, en fait. Bon. Très longtemps, pour des raisons ésotériques, pour des raisons psychologiques, les initiés prenaient des corps masculins. Mais il y a une initiée qui est très connue, qui a un rôle à jouer extraordinaire dans le corps mystique de l'Antéchrist, c'est la Vierge. La Vierge est une initiée et est une femme qui avait d'ailleurs un degré d'évolution très élevé, de beaucoup élevé aux égaux spirituels qui s'étaient incarnés, beaucoup plus élevé que les égaux spirituels qui s'étaient incarnés dans des corps mâles à son époque. C'était donc une très grande initiée, qui a pris la fonction de la femme pour être l'antéchrist par excellence, c'est-à-dire celle qui permettait à la conscience christique de se développer. Le mystère de Marie, évidemment, on peut pas tout aborder aujourd'hui. On en parlera au mois de mai, alors que ce sera le mois de Marie. Mais le mystère de Marie, il est très important. Et Marie a été la première femme et la première entité sur Terre, le premier initié, qui a été justement initié par le Nazaréen. Parce que le Nazaréen, tout de suite après son baptême, il a initié Marie et a préparé Marie à devenir la régente, à devenir l'entité qui gérerait les disciples après sa mort. Et après ça, il est passé au désert. Alors, tout à l'heure, je vous ai pas dit toute la vérité, c'est-à-dire que j'ai dit, après le baptême, c'était le passage au désert, mais il y a eu quand même ce geste-là, l'initiation de Marie. Et cette initiation de Marie est très importante, parce qu'elle a fait d'elle une femme très importante dans le milieu, évidemment, initiatique. Donc, il y a des femmes initiées. De plus en plus, il y a des femmes qui prennent des fonctions spirituelles, dans des écoles initiatiques, mais il y a des raisons occultes aussi pourquoi la femme, de par sa constitution physique, de par sa constitution éthérique, a une fonction différente de celle de l'homme. Autrement dit, la femme est selon les programmations psychologiques réceptives, alors que l'homme est émetteur. Et ça fait toute la différence, évidemment. Et dans le phénomène de l'initiation, il faut que l'homme devienne femme pendant une certaine période, c'est-à-dire qu'il devienne une matrice pour que le Christ soit en gestation à l'intérieur de lui-même. Donc, tous les initiés sont des femmes. Avant l'initiation, et tout le processus antéchristique, si on veut, c'est un processus féminin. Alors, tout initié doit être matrice, doit être femme pour être fécondé par l'esprit christique à un premier niveau. Ensuite de ça, il se rétablit un nouveau type d'énergie. Mais ça ne veut pas dire ça que c'est au niveau du corps que ça se passe. Et c'est justement une question de corps qui a fait, par exemple, que la femme n'a pas de place dans l'Église, des choses comme cela. Et c'est justifié pour des raisons occultes, pour des raisons de taux d'énergie, bon, que ça se passe comme ça. Mais, pour répondre à la question, donc, il y a des femmes... D'abord, c'est très embêtant de parler de ça. Il y a des êtres qui sont dans des corps féminins qui sont des très hauts initiés. Maintenant, il faut comprendre une chose aussi, c'est que l'homme se réincarne la plupart du temps, enfin, dans le passé, ça se fait comme ça, alternativement dans un corps mâle et femelle. Donc, l'esprit, lui, n'a pas de sexe. L'esprit, il se sert d'un corps qui va être utile pour son travail. Alors, si vous avez un haut initié qui a besoin de faire un travail, par exemple, au niveau de l'Église exotérique, de l'Église de Saint-Pierre, il ne se prendra pas un corps femme, parce qu'il sait qu'il ne pourra jamais être pape en étant femme, pour des raisons psychologiques, pour des raisons ésotériques, pour des raisons d'égrégore, de tradition. Donc, il va prendre un corps d'homme, mais c'est tout aussi une femme qui s'incarne. Voyez-vous? Et le prophète qui peut être un homme ou une femme va être femme. Il ne peut qu'être femme. Le prophète, ça ne peut être qu'une vierge, c'est-à-dire une matrice pure qui reçoit une lumière de l'extérieur. Donc, tous les hommes qui ont de l'intuition, c'est-à-dire tous les initiés, sont des femmes, sont des entités réceptives. Mais à d'autres niveaux d'énergie, ils sont des hommes et ça permet certaines fonctions particulières. Autrement dit, lorsqu'on est ésotériste, on est sexiste. C'est la triste réalité, si on veut, sur un plan psychologique. Mais sur un plan des formes, on se rend compte que les choses sont telles quelles. On n'est pas sexiste sur un plan de l'esprit, parce que tout esprit est bisexué. Mais on est sexiste. Tant qu'il y aura des sexes, il faut reconnaître que la fonction des sexes est différente. Et c'est dans cette reconnaissance de la distinction, qu'on ne peut pas d'ailleurs cacher, qu'est-ce que vous voulez, c'est dans la reconnaissance de cette distinction qu'il y a une certaine forme de sexisme ésotérique qui se justifie, disons. Max Endel dit que à la mort de l'initié, son corps se décompose très rapidement. Que pensez-vous de la croyance populaire qui veut que le corps des grands saints se conserve? Alors, le corps de l'initié se décomposerait, d'après Max Endel, très rapidement, et celui des grands saints se conserverait. Alors, si Max Endel l'a dit, c'est vrai, évidemment. Alors, ça, c'est une blague, hein? C'est pour faire plaisir à des gens. Bon, la chose est la suivante. Bon, il se passe beaucoup de choses. Lorsqu'il y a un initié, il y a plusieurs phénomènes qui peuvent se produire. D'abord, le corps peut se décomposer très rapidement. Pourquoi? Parce que il y a, à l'intérieur d'un initié, un esprit qui vibre à un taux très élevé. Ce qui fait que les atomes de son corps sont très fortement dynamisés. Le cas le meilleur, c'était le Christ qui est incarné dans le corps de Jésus. Lorsque le Christ a quitté, l'esprit a quitté le corps de Jésus, les atomes étaient tellement dynamisés qu'en quelques heures, le corps s'est complètement volatilisé. Et on a ouvert le tombeau, il n'y avait plus rien, malgré ce que les théologiens essaient de nous faire croire aujourd'hui. Alors que, donc, dans tous les autres cas, Saint-Jean, par exemple, c'est un excellent cas, Saint-Jean n'a jamais retrouvé son corps. On n'a jamais retrouvé son corps parce que justement, lorsqu'il l'a quitté, il avait un niveau spirituel tellement élevé que ses atomes se sont tous dissous. Maintenant, je veux pas aller trop dans les détails puis vous ennuyer avec ça, mais il y a beaucoup d'autres raisons. L'initié, par exemple, c'est quelqu'un qui, sur le plan de son corps éthérique, va avoir fait ceci. Il va prendre les éthers inférieurs, qui sont les éthers de vitalisation, qui permettent à un corps de se maintenir très en forme. Bon, les éthers chimiques, les éthers vitaux. Chez l'initié, ils sont très amoindris. C'est pourquoi l'initié, il n'a pas une santé extraordinaire. Bon, avant l'initiation, pendant l'initiation, il est malade, il est tout faible, il est tout vert, etc. Après l'initiation, ça se règle un peu, mais ça ne sera jamais une constitution, une santé très forte, à moins de cas très, très précis. Pourquoi? Parce que les éthers inférieurs, ils sont en moins grand nombre. L'initié se nourrit avec une nourriture dynamique beaucoup plus élevée. Et ce sont les éthers supérieurs, les éthers lumière et réflecteurs, qui sont dans une proportion beaucoup plus grande. C'est ce corps, d'ailleurs, qui va se séparer au moment de l'initiation d'avec le corps inférieur. Il va pouvoir partir. Ce qui fait que l'homme qui va se dédoubler dans l'initiation, on verra ça plus en détail la semaine prochaine, va partir dans ce corps éthérique, supérieur, et là, vous pouvoir aller dans l'invisible et rapporter des phénomènes, la mémoire de ces phénomènes. Et il va pouvoir laisser ses éthers inférieurs dans le bas, et ces éthers inférieurs-là vont continuer de nourrir, de sustenter son corps. Alors, lorsque cet initié-là meurt, évidemment, il part avec son corps éthérique supérieur, et là, il reste très peu d'éther avec son cadavre. Et on sait que c'est l'éther qui maintient le cadavre en vie, si l'on veut, qui maintient donc la cohésion entre les atomes, entre les molécules. Donc, comme il y a très peu d'éther, la décomposition va être très rapide. Alors, plus une personne était initiée, plus la proportion des éthers était changée, plus le corps va se décomposer rapidement. Donc, en gros, il peut arriver ceci. Maintenant, il y a un cas encore plus intéressant, comme par exemple le comte de Saint-Germain. Le comte de Saint-Germain, qu'est-ce qu'il fait? Il peut, par la puissance de son verbe, parce que toute la force créatrice de son énergie est remontée vers le haut, il peut prononcer le mot perdu, hein, le fiat créateur, et construire à côté de lui un nouveau corps qui va lui servir. Autrement dire, il est trop reconnu avec son corps de comte de Saint-Germain, parce qu'il racontait bien des histoires, évidemment, puis il commençait à être connu dans le coin. Alors, à ce moment-là, il laisse ce corps-là de côté. Et puis là, il prend un nouveau véhicule qu'il s'est formé avec son propre fiat créateur. Alors, les initiés, ils préparent dans leur garde-robe, quelque part, le corps qu'ils vont utiliser un peu plus tard, lorsque le corps qu'ils ont maintenant ne leur servira plus. Alors, ils changent comme ça de corps assez facilement. Alors, ce qui se produit, c'est ceci. Pour un initié, on peut donc avoir un changement de corps. De telle sorte qu'on a enterré Saint-Germain, hein, parce qu'il était mort, et puis, un an plus tard, à la convention maçonnique, on l'a vu, qui réglait des problèmes de la franc-maçonnerie de l'époque. Bon, parce qu'il peut y avoir donc un échange de corps comme celui-là. Maintenant, la question des saints, c'est très intéressant. Pourquoi les saints ne se décomposent pas? Bon, il y a des raisons occultes à ça. C'est-à-dire qu'un saint, c'est une personne qui a vécu la saisie, dont je vous ai parlé tantôt, a vécu la tentation. Tous les saints ont vécu des tentations épouvantable, atroce. Par exemple, Saint Benoît, qui avait vécu des tentations suffisamment fortes pour que le seul moyen d'y résister soit de se rouler dans un buisson d'épines, des choses comme celles-là. Donc, tous les saints, si vous lisez la vie des saints, c'est constant, ils ont vécu des tentations épouvantables. Et ils ont résisté. Alors, cette résistance à la tentation, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dynamisé en eux des pouvoirs christiques et elle en a dynamisé trop. De telle sorte qu'il y avait un trop-plein de cette énergie spirituelle. Et après leur mort, qu'est-ce qui se produit? Il se produit le fait qu'il y a dans l'atmosphère cette énergie qu'ils ont amassée, c'est-à-dire ces trésors qu'ils ont ramassés dans les cieux, et ça peut être disponible, ça peut être utilisé par les gens. Alors là, il peut y avoir des cas où le saint va, pour des raisons occultes,